Vénard. Ce n'était point sans raison, ni même pour de mauvais prétextes, que les gamins de Longeverne tenaient en suspicion les deux grangers, ainsi surnommés parce qu'ils habitaient, à quelques 500 mètres du village, une belle et vaste maison de ferme, fort bien installée, et que l'on appelait selon la coutume du pays comtois, la grange. Les deux grangers ne portaient point de blouse, comme les autres gosses. Ils étaient en toute saison, chaussés non de brodequins à gros clous, mais de souliers à bout pointu, ce qui faisait dire à Camus qu'ils mettaient tous les jours leurs croquenots du dimanche. Ils avaient des casquettes à visière de cuir et à galons d'or, comme les collégiens ou les séminaires, et suivaient la mode en arborant des pantalons courts, avec en été des chaussettes laissant à nu leurs mollets, ce qui ne se faisait pas à la campagne. Mais ce n'était point précisément pour cela qu'on les avait à l'œil. Pas plus au village qu'en ville, s'il y contribue comme de juste, l'habit ne fait le moine. Ce qui les rendait indésirables, si l'on peut dire, au regard de leurs condisciples, c'étaient les prévenances particulières dont les entourait à l'école le maître et à l'église le curé. Leur père, le granger, gros cultivateur, mi-paysan, moitié monsieur, ayant, comme on dit, du foin dans ses bottes, était bien avec toutes les grosses légumes du canton et recevait assez fréquemment les deux personnages municipaux susnommés avec qui il aimait à bavarder et faire la partie le dimanche. Et dans le petit monde des gosses, on se demandait pourquoi ces deux honorables, sans doute, et puissants, ô combien, directeurs de conscience enfantine, se trouvaient toujours si vite et si bien renseignés sur tous les délits, frasques et tours, commis ou projetés par leurs jeunes et bruyants tributaires. La crique, assez sagement, avait induit que ça devait venir de la grange, mais comme on n'avait jamais eu en main de preuves palpables, on ne pouvait bannir des jeux quotidiens, ni mettre en quarantaine les deux traîtres présumés, car on aurait pu s'exposer à une sévère, sinon juste, punition du maître. Ceux-ci, d'ailleurs, un peu hautains et dédaigneux, affectaient souvent de regarder comme indignes d'eux les amusements habituels des gosses. La vérité est qu'en tout, ils auraient voulu dominer, être les premiers, être chefs, et que ni Lebrac ni Camus, forts du sentiment populaire qui les avait portés à cette dignité, n'avaient l'intention de leur céder ces postes, d'ailleurs tenus par eux, avec une majesté en tout digne de l'investiture dont ils avaient été revêtus. Les grangers avaient encore contre eux ceci, qu'en un grand nombre de circonstances, ils semblaient favorisés par une chance qui était au moins insolente pour les camarades. Quand il se trouvait par hasard qu'un d'entre eux fut compromis, en classe, dans une affaire de bavardage, discussion ou jeu défendu, il arrivait toujours, prenant un air de Sainte-Nitouche, à s'en tirer sain et sauf, tandis que les copains, eux, ne manquaient pas d'écoper pour lui. « C'est des vénards, » disait avec une amertume dégoûtée, Tintin, de l'air dont il eût dit « c'est des salauds ». Cette veine était réelle, et lorsque l'entrain d'une partie et la joie contagieuse des joueurs les poussaient à se mêler au groupe, ce qu'on ne leur demandait jamais, ils échappaient presque toujours aux coups sournois qui leur étaient destinés. Encore dans la dernière bataille à coups de boule de neige, lorsqu'ils se furent joints à la bande à Camus et que Tintin, avec 7 ou 8 autres, s'apprêtait à leur paumer la gueule, ils n'avaient reçu que quelques inoffensifs projectiles et on ne put jamais obtenir le corps à corps qui eût permis de les frotter et laver comme on le souhaitait si ardemment. On avait bien pensé quelquefois à leur chercher une oise et à les contraindre au combat individuel. Mais ils ne se séparaient pas et dès que l'un d'eux se trouvait être aux prises avec un adversaire, l'autre, sous le spécieux prétexte que les autorités ne toléraient pas de bataille, filait immédiatement, et selon le cas, prévenir l'instituteur, le curé, le garde champêtre ou toute autre puissance dont l'intervention, toujours redoutable, se manifestait par les copages du champion de la justice enfantine envers et malgré les témoignages unanimes des camarades. Les parents eux-mêmes prenaient fait et cause contre leurs rejetons, ne voulant point mécontenter le granger, un homme serviable qui, lorsqu'on avait, pour une 8aine ou une 15aine de jours, besoin d'un billet de 100 francs, vous l'avançait généreusement, sans intérêt, mais vous demandait bonnement en échange, et quand on n'y pensait plus, en plein foin ou en pleine moisson, un petit charroi qui, vu le temps, valait bien 7 ou 8 francs, et qu'on n'osait guère lui refuser. Cette fois cependant, la mesure était comble, et le braque l'avait dit. On était en plein hiver, un bel hiver jusqu'alors, sec et froid. Il avait fortement neigé dès le début de décembre, et il y avait eu de magnifiques batailles à coups de boules de neige, au cours desquelles, malheureusement, on avait pu laver la figure aux deux grangers. Par contre, quelques carreaux cassés ayant fait interdire ce sport dangereux, on avait établi, dans toutes les rues en pente avoisinant l'école, de superbes glissades. Il y en avait pour toutes les heures du jour. Des grandes pour avant et après la classe, des petites pour les récréations. Mais la plus belle était celle de devant la cour, où selon une coutume immémoriale, on allait luger à toutes les sorties. Elle avait été particulièrement soignée. Le grand Lebrac l'avait commencé lui-même, en nivelant la neige avec ses sabots sans clous et tout plat, et les autres l'imitant, ils avaient peu à peu frayé un sillage de neige d'abord, de glace ensuite, qui avait bien 50 mètres de long. Cette glace fondait un tantinet à midi, mais regelait le soir, et chaque matin, on commençait par la repolir avec amour. Qu'elle était belle, lisse comme un miroir, et plus glissante, 100 fois, que les parquets de la cure où l'on piquait des têtes quand on enlevait pas ses sabots. Dès que les rangs étaient rompus, tous, au petit bonheur, prenaient place derrière les chefs qui se lançaient à tour de rôle les premiers, attrapaient la piste et filaient le long de la pente, tantôt debout, tantôt pliés, tantôt accroupis, avec une rapidité de flèche. De temps en temps, un des glisseurs perdait bien l'équilibre, culbutait, et tous ceux qui suivaient prenaient la bûche derrière lui, roulant l'un sur l'autre parmi la neige fine qui vous glaçait les doigts et vous fichait l'onglet. Honnissent ceux qui auraient pleuré. On se secouait, on riait et on recommençait. Les deux grangers se glissaient aussi, mais de crainte qu'on leur tombât dessus, ils ne partaient que les derniers. Ce jour-là, au coup de sifflet du maître pour la rentrée, le braque qui, malgré les ordres, venait de se lancer une dernière fois au risque de la retenue, sentit que ses sabots enrayaient malgré lui et pirouetta le nez le premier à mi-chemin. Plus ému du motif de sa chute que de la bûche elle-même, avant de se mettre en rang, il remonta un peu pour voir ce qu'il y avait. Il vit. De gros clous, des sortes de grappes, avaient rayé et entamé profondément la surface lisse de la glissade. Quel était le salaud qui, avec de telles chaussures aux pieds, avait osé glisser? Cette question le préoccupa tout le reste de l'après-midi. Il n'en parla point, mais à 4 heures, dès que la sortie fut opérée et que les grangers, qui en hiver ne s'attardaient jamais, furent partis, tous les camarades étant placés derrière lui pour une ultime tournée, il quitta le premier rang et passa une rigoureuse et sévère revue de pied. Tous, l'un après l'autre, durent lui exhiber le dessous de leur semelle, et ils le firent, les uns de bonne grâce, les autres furieux de ce qu'on osa les soupçonner d'un crime aussi noir. Sa visite terminée, le braque dut convenir que pas un de ceux qui étaient devant lui n'était coupable. Il les mena visiter les endroits atteints auxquels on résolut de porter, sur l'heure, un prompt remède. Avec de la neige fraîche que l'on compressa, piétina, tassa et fit fondre pour la faire regeler, cela redevint glace ou à peu près, mais cela ne désignait point le coupable. « Je parierais, fit la crique, que c'est un des grangers. » Immédiatement, en effet, on se souvint que l'année des deux frères s'était glissée une fois, juste avant le braque, parbleu, et il y eut dans toute la bande une immense clameur de réprobation, de colère et de vengeance. « Faut leur défendre de se reglisser demain. Penses-tu qu'ils t'écouteront? Ils iront se plaindre qu'on ne les laisse pas jouer, et c'est nous qu'on punira. C'est trop vache pourtant d'éreinter nos glissades. Faut leur foutre une danse, exigea Camus. J'en ai assez, moi, à la fin, de leur sale gueule. Je veux leur zibonier, na. Tu seras puni et on n'y gagnera rien. Non, voici ce qu'il faut faire, proposa la crique. Ils se lancent toujours les derniers parce qu'ils ont peur qu'on les fasse tomber. Eh bien, on va rester 3 ou 4 au-dessus. Camus, moi et 2 ou 3 autres, en disant qu'on ne veut pas luger. Et quand ils verront, au bout de 2 ou 3 fois, qu'on ne va pas vraiment, ils veulent bien se lancer. Alors Camus partira de toutes ses forces, les rattrapera et les flanquera par terre. Nous, on arrivera par derrière pour l'aider. Vous autres, vous remonterez vite pour nous retomber encore dessus. Et quand on sera tous en paquet et qu'ils seront pris dans le tas, on leur en foutra pour leur apprendre et on leur fera bouffer de la neige plus qu'à leur sou. Ça y est-il ? Ça y est. Et tout le soir, certaine de sa revanche prochaine, la petite troupe, dans l'air tiédissant, s'amusa follement, doublement heureuse du plaisir présent et de la rossée vengeresse du lendemain. On se sépara toutes dispositions prises. Ce serait dès le matin, à 8 heures moins le quart. Personne ne manquerait à l'appel. L'on fut se coucher, plein d'espérance. Mais il était écrit qu'il ne faut jamais se fier à l'avenir, ni compter sur le lendemain. Quand ils furent habillés, au petit jour, l'aurore suivante, les gars de Longeverne constatèrent, avec amertume et désolation, qu'il faisait trop doux et qu'il pleuvait à verse. C'était le dégel, le sinistre dégel avec qui l'on avait point tablé. Et devant ce qui avait été la belle glissade, songeant au plaisir perdu et à la raclée justicière envoyée encore au calandre, devant les copains qui faisaient un blaire de 6 pieds, Tintin grogna, rageur et amer. « Et vous croyez qu'ils sont pas vénards, ces cochons-là »